Curtis Production. Tikanga na tana kati, na tana kati. Tikanga na tana kati. Nakebe, tikanga na tana kati. Natana kati, baby bola bola, tikanga natana kati. Non, je ne vais pas tomber là. Tu veux du sale, pas mon prénom. La même envie me traverse. Tout est clair et sans romance. Je crois deviner ce que tu veux, jolie babe. Dans ta position préférée, je vais te délivrer. Et comme un bodyguard, ce qui me gêne, je l'écarte. Détends-toi et ouvre-moi, je veux savoir à quel point t'es chaude, Bella. Tu deviens humide et au son de ta voix. Je sais t'aimes ce que font mes doigts, hein. Chérie, j'aime quand ton regard me dit enivre-moi, enivre-moi, délivre-moi. Chérie, là je craque, alors enivre-moi, délivre-moi. Ok, bah, tikanga natana kati. Natana kati, baby bola bola, tikanga natana kati. Non, je ne vais pas tomber là. Tu veux du sale, pas mon prénom. La même envie me traverse. Tout est clair et sans remorse. J'en perds la tête, j'suis fucked up. Mais c'est pas fini, ça fait boum boum. Fessé sur ton poum poum. Chérie, penche-toi comme j'aime. J'adore quand tu whines. Et quand tu me fredonnes, ne t'arrête pas. T'as envie, tu deviens folle. Tes mains contre la porte, j'l'entends au son de ta voix. Que tu kiffes et que c'est bientôt. Chérie, j'aime quand ton regard me dit enivre-moi, enivre-moi, délivre-moi. Chérie, là je craque, alors enivre-moi, délivre-moi. Ok, bah, tikanga natana kati. Natana kati, baby bola bola, tikanga natana kati. Non, je ne vais pas tomber là. Tu veux du sale, pas mon prénom. La même envie me traverse. Tout est clair et sans remorse. Ok, bah, tikanga natana kati. Natana kati, baby bola bola, tikanga natana kati. Non, je ne vais pas tomber là. Tu veux du sale, pas mon prénom. La même envie me traverse. Tout est clair et sans remorse. Baby bola, baby bola, natana kati. Natana kati. Baby bola, baby bola.